Bonjour. Vous avez peut-être vu que pendant les dernières semaines vers Pâques, j'ai pas fait grand-chose. De toute façon, c'est le printemps. Puis ben franchement, on vient qu'on se répète. On se répète. Pourquoi? Parce que c'est l'actualité au fond. C'est tout le temps la même chose. Tout ce que j'ai dit précédemment, des années précédentes, peut être transposé pour maintenant. C'est juste une question de contexte. Puis, à un moment donné, ça devient un peu du radotage. Puis, avec les années, je parle même plus de certains sujets, je parle même plus du supramental dans le fond. Donc, j'étais rendu à commenter des choses importantes, oui, mais simplement, on n'est pas dans. Bon, finalement, j'ai commencé à considérer que. Finalement, même pas considérer rien, j'avais pas la vibration. Je veux dire, dans le fond, j'avais rien à dire. J'ai eu un entretien avec David Lévesque. Puis, je mettrai le lien sous la vidéo. Vous l'avez déjà vu peut-être, ça fait un bout de temps que c'est fait. Puis, j'en ai pas parlé, même le dernier samedi, j'ai pas fait de live, j'ai pas fait de direct. De toute façon, c'était pendant Pâques. Puis, que je l'ai vécu en privé. J'avais pas envie de faire de direct. Puis je pense que c'est la première fois depuis plus d'un an que je faisais pas de direct le samedi. Non, je suis plus occupé à. J'étais occupé à observer. Prenez par exemple, il y en a un là, qui parle pour. J'imagine que pour lui, c'est important, Pâques. Puis pourtant, bon, finalement. Il nous parle encore des rituels, de ce qu'il appelle l'ennemi, puis du démon, puis finalement, c'est vraiment de l'obsession, là. J'ose pas rien dire. Si ça continue, je dirai plus rien. Si ça continue, je dirai plus rien. Parce que finalement, bon, c'est pas de mes affaires. Mais il reste que d'un autre côté, je peux me permettre de dire quelque chose. Pourquoi? Parce que je suis pas important. Donc, je peux me permettre, c'est le fun. C'est ça qui est le fun d'être dans l'ombre, c'est qu'on a une certaine liberté. Prenez, là, regardez ce qu'on a vu dans les médias. Moi, à mes yeux, ils instrumentalisent l'islam pour expurger ce qui reste de chrétiens puis de catholiques dans la société québécoise. Puis ils fonctionnent par essai, par test. Prenez ce qui est arrivé, là, à Bernard Drainville. Bon, finalement, ils se sont servis de l'islam pour fermer un local, pour finalement dire officiellement la prière, ça n'a pas sa place à l'école. Mais le local qu'ils ont fermé, c'est pas une classe, c'est une chapelle qui était là depuis. Prenez ici, il y a une école qui est quand même assez vieille, qui a été fondée dans les années 40, puis il y avait une chapelle depuis le début dans cette école-là. Finalement, la chapelle a été convertie en bibliothèque. Il y a longtemps, là. Mais il y avait une autre chapelle pareille dans l'école. Puis bon, en tout cas, mais vraiment, dans même je dirais les derniers mois, mais je dirais la dernière année, je suis plus à observer qu'autre chose. Puis finalement, au fond, c'est juste de voir la confirmation de choses dont on a parlé les années d'avant. Puis là, regardez l'hypocrisie, l'extraordinaire hypocrisie, le mépris. Des fois, il faut répondre au mépris par le mépris à un moment donné, mais là, on n'est pas obligé tout le temps de. Prenez juste Guillaume Lepage, le jour du dimanche de Pâques, qui s'envoie écrire sur Twitter: Aujourd'hui, on fête la plus grande fake news de l'histoire de l'humain. Hein? C'est quoi, là? C'est de la provocation à un moment donné. Tu peux bien défendre Guy Lepage, Sucette Poitras, une des plus célèbres drag queens du Québec. Tant qu'à moi, Guy Lepage, qu'il est d'un première fois que j'ai vu un homme travesti d'une façon clownesque à la télé, c'était ce gars-là. Donc, ouais. Alors, lui, c'est un clown, mais un clown politise un petit peu, hein, puis ça l'a tout le temps été. Mais prenez, regardez là, ce qui est arrivé, par exemple, même moi, ce que je considère comme la super opposition qu'on a supposément, là, nos entre guillemets, lanceurs d'alerte ou réinformateurs. Bon, prenez, bon, il y a M. Cossette Trudel, ça fait quasiment 3 semaines, là, qu'il chiale contre, bon, l'heure du compte, pis ces affaires-là, puis tout. Puis là, dernièrement, le Dalai Lama, vous avez vu ce qui s'est passé, il dit rien. Alexis Cossette Trudel, c'est un bouddhiste tibétain. En tout cas, c'est ça que lui, il dit. C'est sûr qu'il dira rien. Puis le Québec, on en a en masse des tibétaneux, dans le sens, prenez Ricard. Ricard, qui est le traducteur officiel pour le français, c'est un Québécois. Puis lui, quand il y en a qui voulaient se plaindre au Dalai Lama, puis tout, il y en a qui avaient remis des documents à Ricard. Puis finalement, il avait lu ça une partie de la nuit, leur avait redonné, puis dit oh, je veux pas avoir rien à faire avec ça. Ça, on voit ça dans un reportage documentaire qui avait été fait par la chaîne franco-allemande Arte. Donc, Ricard, il agit exactement comme les catholiques, un peu, là, qui ont camouflé des affaires d'abus. Puis tout, le bouddhiste tibétain, c'est un est. Je suis désolé de dire ça, là. J'allais dire quelque chose, là, mais bon. C'est quoi qui fait vivre ça? Puis bon, c'est c'est des jeunes dans les années 60-70 qui n'avaient pas d'identité, qui sont allés en Inde, puis sont tombés là-dedans. C'est les hippies qui ont servi de porte pour que l'argent des Occidentaux. Hein? Le Dalai Lama, il s'est fait bâtir une villa payée par la CIA. Puis voyons, là, c'est un agent des services américains. Puis, hein? C'est des. Je veux dire, c'est l'argent des Occidentaux, les yeux dans la graisse de bine spirituelle, qui ont payé, fait bâtir les monastères, les paquets de monastères au Népal, et c'était là. Puis qui entretient ces gens-là, qui sont des prenez l'autre, là, Rinpoché, je sais pas trop, là, qui a l'air d'un bouddha de restaurant chinois de San Francisco, là, cette espèce de gros violeur dégueulasse. Dégueulasse. À un moment donné, là, oui, le Dalai Lama, là, comme. Mais c'est parce qu'il n'y avait plus le choix. Voyons, là, c'est des. Le bouddhiste tibétain, à mes yeux, c'est. Et que je fais attention à ce que je dis. C'est pour ça que je fais plus. Je dis plus grand chose. Je dis plus grand chose. Dans le fond, c'est comme à un moment donné, dans l'entretien avec David, bon, je parle de certaines affaires. Puis là, il y a du monde après dans les commentaires. Ils veulent que je leur donne des adresses de pour faire venir des affaires. Puis moi, je suis là pour faire qu'on vous dire que vous êtes supposé savoir par vous-même. Je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je suis pas là pour vendre rien. Je suis pas là pour faire la promotion de rien. Au contraire. Au contraire. Donc, je vais pas commencer à vous dire quoi faire. Comme, des fois, je parle mon expérience personnelle. Mais le monde, il y a une façon de penser. Sont intellectuels. Ils sont dans l'intellect. Ils sont dans le mental, mais le mental pas épuré, le mental mécanique. Comme à un moment donné, je parlais que, bon, que ce qui fait que finalement, la plus grosse motivation que j'ai eue pour arrêter de fumer encore, c'est l'argent. Puis là, tout de suite, il y en a un qui s'en va écrire. J'ai vu ça, il s'en va écrire. La principale motivation devrait être la santé. Mais oui, mais t'es trop intellectuel, toi, là. T'es dans le mécanique. Tout se touche, là. Il n'y a rien qui est séparé. Regarde statistiquement, c'est qui meurt, c'est quoi le facteur qui fait les gens qui ont la moins grande espérance de vie, puis tout, mais c'est la pauvreté. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que d'avoir plus d'argent, mon ami. T'es-tu un imbécile ou quoi? Êtes-vous des épais, coudons? Êtes-vous des cabochons? Des fois, j'ai l'impression que je m'adresse à du monde. Il y en a dans la gang, dans ces gangs-là, puis il y en a pas mal, c'est des petits-enfants. C'est des petits-enfants. Puis après, on ne se surprend pas que ça ait pogné de même, les bouddhistes tibétains. Avec Alexis Cossette Trudel, qu'il devait avoir un trouble au niveau de l'identité manée, puis il a sacré son camp par là. Puis là, aujourd'hui, il porte encore des petits bracelets rouges Au début, la première fois, j'ai vu ça, je me dis, coudonc, lui, es-tu un gugus de cabale, puis c'est de la corde rouge qui a été mise autour du tombeau de Rachel. Puis là, plus tard, c'est là, j'ai su, non, c'est un bouddhiste tibétain. Là, papa vient de mourir, c'est le temps de maturer. La mort du père, c'est toujours excellent pour prendre la maturité puis se construire une identité plus réelle. Puis à un moment donné, si on allume, le bouddhisme tibétain, il va prendre le bord. Il va prendre le bord. Parce que c'est des crosses, c'est-à-dire le haut astral, peu importe les formes qu'il va prendre, peu importe les traditions qu'il instrumentalise, tout le temps de la marde. Prenez le Rinpoché, là. Hein? Lui, il disait à des femmes, il disait, oh, si tu te fais violer, supposément, ça aurait été rapporté, si tu te fais violer, c'est parce que dans une ton ancienne vie, tu étais un homme violeur, puis là, c'est bon pour ton karma. Car, qu'est-ce de Christ? C'est des crosseurs, c'est de la crosse. Il y en a, ils chiolent contre ils chiolent contre le catholicisme, ils chiolent contre ci, ils chiolent contre ça. Mais oui, mais. C'est-tu mieux, là? Est-ce que c'est mieux? Des affaires de mer? Je veux dire, vous la voyez pas, là? En tout cas, parce que dans le fond, c'est de faire vivre des mendiants. Moi, je les considère comme des. Bon. Quand j'étais plus jeune, vers 12-13 ans, à un moment donné, j'ai eu un petit intérêt pour le bouddhisme tibétain. Mais quand j'ai vu la vieille taupe au safran, puis que j'ai senti la vibration qu'il y avait, ça allait arrêter là. C'est pour ça que d'une certaine façon, je suis content d'avoir cette sensibilité-là. Ça me faisait le même effet que Saïd Baba, là, ces choses-là. Mais je suis bien conscient que c'est pas tout le monde qui a cette faculté-là. C'est pas tout le monde qui le sent. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme l'autre, là. Supposément, c'est des farces ludiques et. Tiens, quand il dit aux jeunes, il essaye de l'embrasser sur la bouche, en plus devant tout le monde. Imaginez quand c'est pas en privé. Ah, moins, c'est des jokes, puis tout. Ah. Moi, avoir un manger de marde de même, de maudit. D'après moi, dans une autre vie, t'étais un gars violent qui donnait des coups de poing sur la gueule aux autres, puis là, c'est peut-être le temps que j'allège ton karma. Hein? Gang de stidide. J'ai honte, c'est juste de penser qu'il y a des Québécois là-dedans, comme Ricard, puis. En tout cas. Ouais. Moi, je suis pas là pour vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Je vous donne mon opinion subjective au niveau de ma sensibilité. Vous êtes censé savoir pour vous-même, par vous-même. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est comme bon, Cossette Trudel, à un moment donné, avec les parents gauchistes, il y en a Cuba, puis tout qu'il y a eu, je peux comprendre qu'il y a eu des troubles à un moment donné de l'identité. Puis là, il cherchait. Puis il est tombé là-dedans. Bon, mais il n'est jamais trop tard. Peut-être qu'à un moment donné, il va s'en rendre compte que ça vaut pas mieux que les autres clergés. Hein? Dans le fond, là. Moi, je vous le dis, le Dalai Lama, c'est un agent de la CIA. Il y a une villa qui a été bâtie, ça a passé par les comptes. Bon, en tout cas, informé, faut que je veux dire, ce n'est pas des choses difficiles à trouver. Hein? Il y a eu une américanisation de l'Amérique après la Deuxième Guerre mondiale, Paperclip. Puis tout, puis il y a une continuité de tout ça. C'est juste logique que le Dalai Lama soit. Même, je suis pas amoureux des communistes chinois, au contraire, le gouvernement communiste chinois, j'ai de la misère avec pas mal, mais quand ils disent c'est un loup en robe de moine, ils n'ont pas tort. Puis traditionnellement, le Tibet, tout le temps, est un protectorat de la Chine. Moi, à mes yeux, au niveau de l'île de Taïwan, là, je suis pour le nationaliste des Taïwanais qui sont anticommunistes. Parce que, bon, j'ai une certaine affection pour Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, les nationalistes chinois, la jeune république Minguo, l'ère Minguo, ces choses-là. Mais quand vient le temps, la question, le Tibet, à mes yeux, fait partie de la Chine. Désolé. Désolé, c'est sûr, je suis pas content de qui est au pouvoir en Chine, le Parti communiste chinois, puis ce qu'il y a derrière, puis tout.